Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est samedi et le moment est venu de retrouver votre demi-heure de disco funk. Bon, assez parlé, on attaque par la découverte. Tomorrow's Edition est leur titre You Turn On Me. Vous connaissez ? Je n'ai pas trouvé grand-chose sur ce groupe, il faut que je vous l'avoue. Alors, le morceau, il est sorti en 1982 et il est extrait de l'album du même nom. J'ai trouvé un autre titre leur appartenant, In The Groove, que je ne manquerai pas, bien sûr, de vous passer. C'est parti. Thank you. Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. La suite, c'est les 100 hits qui ont fait le disco. Aujourd'hui, Walter Murphy et son A Fifth of Beethoven. Alors Walter, c'est un musicien accompli lorsqu'il se lance dans la production de disques, d'illustrations sonores, pour les radios, les télévisions ou alors tout simplement les publicités. Alors il va composer surtout dans le style jazz funk, instrumental, et il commence aussi à intégrer des éléments de disco. En 1976, le disco, il génère des millions et Murphy, il va être bien tenté, bien sûr, de tenter sa chance en enregistrant une démo de 4 titres qu'il fait écouter à différents labels. Alors, Private Stock, un label, est intéressé par A Fifth of Beethoven et lui signe directement un contrat. Walter, à la base, il devait collaborer avec un autre groupe, mais ce dernier lui fait faux bond. Alors, je vais vous avouer, le groupe en question, ça va devenir Chic. Donc, il a fait faux bond, mais il a eu raison dans un sens. L'album va sortir sous le nom de Walter Murphy's Band. Murphy choisit quelques phrases d'orchestre, surtout les plus connues de l'œuvre originale, et les dissémine ça et là tout au long du morceau. Le single, il se vend par centaines de milliers et il va atteindre la première place des top US. Alors, durant l'ère du disco, Murphy, il est copié, beaucoup, mais personne ne va atteindre le succès qu'il atteint. Les producteurs de Saturday Night Fever, ils vont décider d'intégrer au film et à sa BO la chanson de Murphy. Ça sera une consécration pour lui et il va retourner assez rapidement à la musique de film et de télévision, non sans avoir produit entre-temps quelques hits. C'était en 1976 et ça donnait ça. La phase B du mois est consacrée à Prince. De son premier album, For You, est extrait deux singles. Le second, Just As Long As We Are Together, reprend le premier single historique sorti par Prince, Soft and Wet. C'est une chanson funk et disco, comprenant batterie, basse et synthétiseur. C'est déjà un petit exemple de ce que va devenir le Minneapolis Sound. Les paroles sont essentiellement centrées sur le sexe. Ça m'étonne pas de toi, Prince. Alors Prince va chercher à s'attirer les faveurs d'une fille qu'il admire. Alors la chanson l'est mentionnée dans le film Incassable, lorsque Audrey avoue à son mari David qu'il s'agit de sa chanson préférée. Ah, j'ai parié que peu d'entre vous la connaissent. C'est parti. On arrive au maxi. Si je vous dis Ray Parker Jr., ça doit vous parler à n'en pas douter. La musique du film Ghostbusters, bien sûr. Mais avant, il y avait eu aussi des morceaux d'anthologie. J'ai choisi de vous faire entendre It's Time to Party Now, sorti en 1980, et extrait de l'album Two Place in the Same Time. Alors, l'album, il est signé par Radio. Radio, c'est le groupe de Ray Parker. Un bon funk, on peut pas dire mieux. C'est maintenant. J'avais envie de finir par un petit shadé comme pépite. Nothing Come Between Us est tiré de l'album Stronger Than Pride, paru en 1988. C'était d'ailleurs son troisième album studio. Il est pour la moitié enregistré en France, à Paris, et Shadé, elle a co-signé tous les morceaux. Alors le titre qu'on va vous diffuser, que je vais vous diffuser, atteindra une seconde place aux États-Unis. Comme toujours, sa voix, elle fait merveille. Bonne dégustation. Alors il est temps de se quitter, je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vais vous donner rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et d'ici là, portez-vous bien, bye bye.